Chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et étonnant. Sept anges qui tenaient sept fléaux. Ce sont les derniers fléaux, car c'est par eux que s'achève la colère de Dieu. Puis je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Je vis aussi ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image et sur celui dont le nom est représenté par un chiffre. Ils étaient debout près de cette mer de verre et tenaient les harpes que Dieu leur avait données. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Roi des nations, que tes plans sont justes et vrais. Qui ne te craindrait, Seigneur? Qui refuserait de te rendre gloire? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront et s'inclineront devant toi pour t'adorer, car tes actions justes se sont clairement révélées. Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple où se trouve la tente de la présence de Dieu. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple. Ils étaient habillés de lin blanc et brillant et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Le temple fut rempli d'une fumée produite par la gloire et la puissance de Dieu, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux apportés par les anges soient accomplis.